Chapitre 3 De la tendresse filiale, paternelle et conjugale. Ce qu'il y a de plus sacré dans la morale, ce sont les liens des parents et des enfants. La nature et la société reposent également sur ce devoir, et le dernier degré de la dépravation est de braver l'instinct involontaire qui, dans ces relations, nous inspire tout ce que la vertu peut commander. Il y a donc toujours un bonheur certain attaché à de tels liens, l'accomplissement de ses devoirs. Mais j'ai dit dans l'introduction de cet ouvrage qu'en considérant toujours la vertu comme la base de l'existence de l'homme, je n'examinerai les devoirs et les affections que dans leur rapport avec le bonheur. Il s'agit donc de savoir maintenant quelle jouissance de sentiment les pères et les enfants peuvent attendre les uns des autres. Le même principe, fécond en conséquence, s'applique à ses affections comme à tous les attachements du cœur. Si l'on y livre son âme assez vivement, pour éprouver le besoin impérieux de la réciprocité, le repos cesse et le malheur commence. Il y a dans ces liens une inégalité naturelle, qui ne permet jamais une affection de même genre, ni au même degré. L'une des deux est plus forte, et par cela même, trouve des torts à l'autre, soit que les enfants chérissent leurs parents, plus qu'ils n'en sont aimés, soit que les parents éprouvent pour leurs enfants plus de sentiments qu'ils ne leur en inspirent. Commençons par la première supposition. Les parents ont pour se faire aimer de leurs enfants dans leur jeunesse beaucoup des avantages et des inconvénients des rois. On attend d'eux beaucoup moins qu'on ne leur donne. On est flatté du moindre effort. On juge tout ce qu'ils font pour vous d'une manière relative. Et cette sorte de mesure comparative est bien plus aisément satisfaite. Ce n'est jamais d'après ce qu'on désire, mais d'après ce qu'on a coutume d'attendre, qu'on apprécie leur conduite avec vous. Et il est bien plus facile de causer une agréable surprise à l'habitude qu'à l'imagination. Les parents adoptent donc, presque toujours par calcul, autant que par inclination, cette sorte de dignité qui se voile. Ils veulent être jugés par ce qu'ils cachent. Ils veulent qu'on se rappelle leurs droits, à l'instant même où ils consentent à les oublier. Mais ce prestige, comme tous, ne peut faire effet que pendant un temps. Le sentiment usurpateur veut chaque jour de nouvelles conquêtes. Alors même qu'il a tout obtenu, il s'afflige souvent de ce qui manque à la nature de l'homme pour aimer. Comment supporterait-il d'être tenu volontairement à une certaine distance? Le cœur tend à l'égalité, et quand la reconnaissance se change en véritable tendresse, elle perd son caractère de soumission et de déférence. Celui qui aime ne croit plus rien devoir. Il place au-dessus des bienfaits leur inépuisable source, le sentiment, et si l'on veut toujours maintenir les différences, les supériorités, le cœur se blesse et se retire. Les parents cependant ne savent ou ne veulent presque jamais adopter ce nouveau système, et la différence d'âge est peut-être cause qu'il ne se rapproche jamais de vous que par des sacrifices. Or, il n'y a que l'égoïsme qui sache s'arranger du bonheur avec ce mot-là. Quel que soit le dévouement des enfants sensibles et respectueux, les nouveaux penchants, les nouveaux devoirs qui les attirent, donnent à leurs parents une humeur secrète, qu'ils éprouveront toujours, parce qu'ils ne se l'avoueront jamais. Quand les parents aiment assez profondément leurs enfants, pour vivre en eux, pour faire de leur avenir leur unique espérance, pour regarder leur propre vie comme finie, et prendre pour les intérêts de leurs enfants des affections personnelles, ce que je vais dire n'existe point. Mais lorsque les parents restent dans eux-mêmes, les enfants sont à leurs yeux des successeurs, presque des rivaux, des sujets devenus indépendants, des amis, dont on ne compte que ce qu'ils ne font pas, des obligés à qui on néglige de plaire. En se fiant sur leur reconnaissance, des associés d'eux à soi, plutôt que de soi à eux. C'est une sorte d'union dans laquelle les parents, donnant une latitude infinie à l'idée de leurs droits, veulent que vous leur teniez compte de ce vague de puissance, dont ils n'eussent pas après se l'être supposé. Enfin, la plupart ont le tort habituel de se fonder toujours sur le seul obstacle qui puisse exister à l'excès de tendresse qu'on aurait pour eux, leur autorité, et de ne pas sentir, au contraire, que dans cette relation, comme dans toutes celles où il existe d'un côté une supériorité quelconque, c'est pour celui à qui l'avantage appartient, que la dépendance du sentiment est la plus nécessaire et la plus aimable. Une très grande simplicité dans le caractère de vos parents, ou une supériorité si marquée que leurs enfants soient heureux d'entretenir avec eux plutôt un culte qu'une liaison, peuvent détruire ces observations. Mais c'est aux situations les plus communes qu'elles s'appliquent. Dans la seconde supposition, peut-être la plus naturelle, le sentiment maternel, accoutumé par les soins qu'il donne à la première enfance à se passer de toute espèce de retour, fait éprouver des jouissances très vives et très pures, qui portent souvent tous les caractères de la passion, sans exposer à d'autres orages que ceux du sort, et non des mouvements intérieurs de l'âme. Mais il est si tristement prouvé que dès que le besoin de la réciprocité commence, le bonheur des sentiments s'altère, que l'enfance est l'époque de la vie qui inspire à la plupart des parents l'attachement le plus vif, soit que l'empire absolu qu'on exerce alors sur les enfants les identifie avec vous-même, soit que leur dépendance inspire une sorte d'intérêt qui attache plus que les succès même qu'ils ne doivent qu'à eux, soit que tout ce qu'on attend des enfants alors étant en espérance, on possède à la fois ce qu'il y a de plus doux dans la vérité et l'illusion, le sentiment qu'on éprouve et celui qu'on se flatte d'obtenir. Bientôt les événements dans leur réalité nous présentent nos enfants élevés par nous, pour d'autres que pour nous-mêmes, s'élançant vers la vie, tandis que le temps nous place en arrière d'elle, pensant à nous par le souvenir, aux autres par l'espérance. Quels parents sont alors assez sages pour considérer les passions de la jeunesse comme les jeux de l'enfance, et pour ne pas vouloir occuper plus de place parmi les unes que parmi les autres? L'éducation, sans doute, influe beaucoup sur l'esprit et le caractère. Mais il est plus aisé d'inspirer à son élève ses opinions que ses volontés. Le moi de votre enfant se compose de vos leçons, des livres que vous lui avez donnés, des personnes dont vous l'avez entouré. Mais quoi que vous puissiez reconnaître par tous vos traces, vos ordres, non plus le même empire. Vous avez formé un homme, mais ce qu'il a pris de vous est devenu lui, et sert autant que ses propres réflexions à composer son indépendance. Enfin, les générations successives, étant souvent appelées par la durée de la vie de l'homme à exister simultanément, les pères et les enfants, dans la réciprocité de sentiments qu'ils veulent les uns des autres, oublient presque toujours de quels différents points de vue ils considèrent le monde. La glace qui renverse les objets qu'elle présente les dénature moins que l'âge qui les place dans l'avenir ou dans le passé. Il n'y a rien qui exige plus de délicatesse de la part des parents que la méthode qu'il faut suivre pour diriger la vie de leurs enfants, sans aliéner leur cœur. Car il n'est pas même possible de sacrifier leur affection à l'espoir de leur être utile. Toute influence durable sur la conduite finissant avec le pouvoir du sentiment. Le point juste n'est presque jamais atteint dans cette relation. La tendresse des enfants pour leurs parents se compose, pour ainsi dire, de tous les événements de leur vie. Il n'est point d'attachement dans lequel il entre plus de causes étrangères à l'attrait du cœur. Il n'en est donc point dont la jouissance soit plus incertaine. La base principale d'un tel lien, l'ascendant du devoir et de la nature, ne peut être anéanti. Mais dès qu'on aime ses enfants avec passion, on a besoin de toute autre chose que de ce qu'ils vous doivent, et l'on court dans son sentiment pour eux. Les mêmes chances qu'amènent toutes les affections de l'âme. Enfin, ce besoin de réciprocité, cette exigence, germe destructeur du seul don céleste fait à l'homme, la faculté d'aimer, cette exigence est plus funeste dans la relation des parents avec les enfants, parce qu'une idée d'autorité s'y mêle. Elle est donc, par la même raison, plus funeste et plus naturelle. Toute l'égalité qui existe dans le sentiment de l'amour suffit à peine pour éloigner de son exigence l'idée d'un droit quelconque. Il semble que celui qui aime le plus, par ce titre seul, porte atteinte à l'indépendance de l'autre. Et combien plus cet inconvénient n'existe-t-il pas dans les rapports des parents avec les enfants? Plus ils ont de droits, plus ils doivent éviter de s'en appuyer pour être aimés. Et cependant, dès qu'une affection devient passionnée, elle ne se repose plus en elle-même. Il faut nécessairement qu'elle agisse sur les autres. La tendresse conjugale, lorsqu'elle existe, donne ou les jouissances de l'amour ou celles de l'amitié. Et je crois avoir déjà analysé les unes et les autres. Il y a dans ce lien cependant quelque chose de particulier, en bien et en mal, qu'il faut examiner. Il est heureux, dans la route de la vie, d'avoir inventé des circonstances qui, sans le secours même du sentiment, confondent deux égoïsmes au lieu de les opposer. Il est heureux d'avoir commencé l'association d'assez bonheur pour que les souvenirs de la jeunesse aidassent à supporter, l'un avec l'autre, la mort qui commence à la moitié de la vie. Mais, indépendamment de ce qu'il est si aisé de concevoir sur la difficulté de se convenir, la multiplicité des rapports de tout genre qui dérivent des intérêts communs offre mille occasions de se blesser, qui ne naissent pas du sentiment, mais finissent par l'altérer. Personne ne sait à l'avance combien peut être longue l'histoire de chaque journée, si l'on observe la variété des impressions qu'elle produit, et dans ce qu'on appelle avec raison le ménage. Il se rencontre à chaque instant de certaines difficultés qui peuvent détruire pour jamais ce qu'il y avait d'exalté dans le sentiment. C'est donc, de tous les liens, celui où il est le moins probable d'obtenir le bonheur romanesque du cœur. Il faut, pour maintenir la paix dans cette relation, une sorte d'empire sur soi-même, de force, de sacrifice, qui rapproche beaucoup plus cette existence des plaisirs de la vertu que des jouissances de la passion. Sans cesse, la main de fer de la destinée repousse l'homme dans l'incomplet. Il semble que le bonheur est possible par la nature même des choses, qu'avec une telle réunion de ce qui est éparse dans le monde, on aurait la perfection désirée. Mais dans le travail de cet édifice, une pierre renverse l'autre, un avantage exclut celui qui doublait son prix. Le sentiment dans sa plus grande force est exigeant par sa nature, et l'exigence détruit l'affection qu'elle veut obtenir. Souvent l'homme, inconséquent dans ses vœux, s'éloigne seulement parce qu'il est trop aimé, et se voyant l'objet de tous les dévouements et de toutes les qualités, confesse que l'excès même de l'attachement suffit pour effacer la trace de ses bienfaits. Quel conseil, quel résultat tirer de ces réflexions? La conclusion que j'ai annoncée, c'est que les âmes ardentes éprouvent par l'amitié, par les liens de la nature, plusieurs des peines attachées à la passion, et que par-delà la ligne du devoir et des jouissances qu'on peut puiser dans ses propres affections, le sentiment, de quelque nature qu'il puisse être, n'est jamais une ressource qu'on trouve en soi. Il met toujours le bonheur dans la dépendance de la destinée, du caractère et de l'attachement des autres.